L'actualité à Nancy et ailleurs. Rossella Di Sanzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet pour Parcours le Monde Grand Est. Et en collaboration avec l'association Christelle, vous organisez un événement le mercredi 9 mars. En Europe et au-delà, s'informer, voyager, s'engager pour la planète. Ça va se passer à l'hôtel de ville de Nancy. Alors, expliquez-nous pourquoi cette journée. On a voulu donc organiser un événement pour les jeunes jusqu'à 30 ans pour les informer de toutes les opportunités qui existent pour partir à l'étranger. C'est un événement pendant lequel il y aura plusieurs temps forts. Donc l'après-midi, à partir de 14h, les participants pourront assister à une conférence inspirante en présence de Théo Curin, qui est un jeune de Lunéville et qui est champion paralympique, nageur de l'extrême. Il a récemment relevé un défi, il a traversé le lac Titicaca à la nage en Amérique latine. Et voilà, donc il viendra partager son parcours, son engagement écologique. Et puis au cours de l'après-midi, les jeunes pourront rencontrer plein d'acteurs qui seront là, plein de structures associatives qui viendront informer notamment sur comment partir à l'étranger dans le cadre des études, ou bien d'un stage, ou bien d'un volontariat. Et puis, il y aura aussi d'autres jeunes qui sont déjà partis, qui viendront partager leur expérience à l'étranger. Et on aura donc des jeunes qui sont déjà partis dans le cadre d'études Erasmus, ou bien de stages, ou de chantiers internationaux. On a plein de destinations qui seront à l'honneur, comme la Pologne, la Croatie, l'Allemagne, la Slovénie, les Pays-Bas, encore le Népal et le Sénégal. Eh bien voilà un beau programme. Au sortir de la crise sanitaire qui a bloqué plein de déplacements possibles pour les jeunes notamment, vous avez une demande plus intense aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La mobilité internationale peut enfin reprendre. Effectivement, nous avons plusieurs projets qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Alors pour s'inscrire, comment on fait ? Pour s'inscrire, vous pouvez nous contacter sur une adresse mail que je peux vous donner. Donc c'est l'adresse contact@christelle.fr. Alors Christelle, c'est CRISTELL. Ou bien nous contacter via les réseaux sociaux. On a une page Facebook aussi, nous parcourons le monde de Grand Est. Ou simplement aussi par téléphone, si vous voulez aussi avoir plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 06 51 33 80 04. Voilà, donc c'est le 9 mars, c'est à partir de 14h à l'hôtel de ville de Nancy. Et l'importance des témoignages, vous avez cité Théo Curin, vous avez évoqué ses différents exploits, et puis d'autres témoignages aussi, ça c'est important pour donner envie encore plus aux jeunes de partir aujourd'hui. Tout à fait, et à partir de 18h, il y aura aussi un débat citoyen. L'idée, c'est aussi que les jeunes puissent s'exprimer en présence de Frans Timmermans, qui est vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert. Donc on parlera sûrement de l'écologie en Europe, et puis aussi d'autres sujets d'actualité qui sont importants à ce moment, comme tout le monde le sait. Tout l'après-midi aussi, il y aura des quiz, il y aura des animations, voilà, il y aura de quoi se distraire également. Puis il y aura des stands aussi pour s'informer sur les différentes possibilités, alors que ce soit des études ou même du faire du volontariat à l'étranger. Oui, exactement. Il y aura plusieurs partenaires qui seront présents et qui seront là pour informer les jeunes sur voilà, différentes opportunités de job, stage à l'étranger, volontariat et aussi études. En Europe et au-delà, s'informer, voyager, s'engager pour la planète, c'est le 9 mars à 14h à l'hôtel de ville de Nancy. Un événement organisé par Parcours le Monde Grand Est et l'association Christelle. Merci beaucoup, Rossella Di Sanzo. Merci, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.